descend les poubelles et tu t'allumes une cigarette. À la tête du matin, dans le soir, toujours un peu pareil. En t'attendant mon verre vide, je fais le vide dans ma tête. Je suis venu te voir et t'apporter de bonnes nouvelles. Te dire ce que je vois d'en haut, des couleurs dans le ciel. En t'attendant mon verre vide, je fais le vide dans ma tête. En attendant, je fais des hauts. Danse, danse, bébé.